Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Bonjour, bonjour et bienvenue mes chers auditeurs et ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle édition des pastilles poétiques. Ces petites chroniques qui fondent en bouche quand il s'agit de s'émerveiller devant l'art et devant toutes ces choses qui embellissent la vie. J'espère qu'avec les différents changements de température, vous avez su garder le moral, que cela ne vous a pas trop affecté. Et puisqu'il s'agit aussi de célébrer le retour de l'astre solaire et de ses merveilleux rayons, qui viennent nous cueillir divinement évidemment, eh bien nous allons nous retourner vers une thématique chère à mon cœur que j'avais déjà abordée sur les ondes de Radio Fadjet. Il s'agit de la piraterie. Allez mes chers amis, sifflotons ensemble des airs qui sentent bon les alizés, les embruns et autres vents qui nous poussent inéluctablement vers une ambiance plus maritime. Affaler le phoque et choquer le bras de vergue. Mes chers moussaillons, cap à l'ouest donc pour redécouvrir les frères de la côte, car oui, mes chers amis, il y a, j'ai eu l'occasion de le dire, de la poésie partout où l'on veut bien en trouver, partout où l'on veut bien en chercher, partout où l'on veut bien en créer. Et parfois même les mythes, même pirates, nous ramènent à des poésies. Je vous avais parlé du corsaire de Byron et des autres poèmes pour enfants, mais on oublie parfois que poétiquement aussi l'histoire nous ramène des vents biographiques que l'on mésestime trop souvent. Allez, hissez-moi ces vergues, matelots, on est parti pour la piraterie. Retour de votre pastille poétique sur Fadjet. Eh bien, ça ravigote, mes chers amis. C'était The Groggy Dogs avec The Coast of Hyde Barbary pour commencer cette chronique sur les pirates. Et évidemment, évidemment, comment mieux parler des pirates que de parler d'un des textes les plus concrets à propos de cette piraterie, à propos de cette flibuste, que celui qui consiste à parler de l'histoire générale des plus fameux pirates. Et cette histoire générale des plus fameux pirates, mes chers amis, on l'attribue à un certain capitaine Charles Johnson. L'attribution, toutefois, à ce Charles Johnson reste toutefois controversée, puisque on parle aussi souvent d'une attribution à Daniel Defoe, en particulier au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais aujourd'hui, la majorité des chercheurs pensent que Defoe n'en est pas l'auteur, mais qu'il a pu l'influencer stylistiquement. Alors bon, on pense à d'autres personnes, hein. On pense à des journalistes, on pense à un certain Nathaniel Mist, on pense aussi à d'autres noms comme John Old Mixon, mais il n'en demeure pas moins que la postérité a retenu pour le nom de cet ouvrage l'auteur de Daniel Defoe, qui est connu essentiellement pour des ouvrages bien connus comme Moll Flanders ou alors encore évidemment Robinson Crusoe, hein, qui a été inspiré par un marin qui s'appelle Alexander Selkirk et qui a navigué avec un autre pirate connu qui s'appelait William Dampier ou Dampier en fonction de comment on veut le prononcer. Moi, je me contente de le prononcer à la française, mais William Dampier a connu Alexander Selkirk qui a inspiré le Robinson Crusoe que l'on a tous connu de près ou de loin. Voilà. L'ouvrage de l'histoire générale des plus fameux pirates paraît à la fin de ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, hein. Donc l'âge d'or de la piraterie, pour le situer, c'est aux alentours, pour prendre la plus grosse période, de 1650-1730. Et logiquement, hein, la période correspond somme toute à l'expansion coloniale européenne. Entre les différents pays qui se partagent un petit peu le nouveau monde, entre guillemets, avec l'Angleterre, la France, l'Espagne et aussi les Pays-Bas. Et donc, les guerres, logiquement, dans ce contexte de revendication, sont fréquentes. Les conditions à bord sont horribles, les marins sont maltraités. Et logiquement, la piraterie est envisagée par beaucoup de gens pour fuir ces conditions horribles. Et seulement, les divers pillages qui prennent part durant ces années-là, entre 1650 et 1730, donnent beaucoup de fil à retordre aux grands empires qui se partagent les parties du monde. Ça ne les avait pourtant pas dérangés de les recruter pour essayer de faire des choses, entre guillemets, à la non-officielle, puisque si on a eu autant de corsaires durant ces périodes-là, je vous rappelle que le corsaire, c'est une alternative entre le pirate, mais le pirate recruté qui agit par le biais d'une lettre de marque, et bien c'est tout simplement parce que justement les empires ont eu besoin de nuire à leurs ennemis, notamment en appelant des corsaires, et que durant les temps de paix, ces corsaires ont été renvoyés aussi sec et que leur seule alternative fut la piraterie. L'Angleterre, logiquement, ainsi que l'Espagne, tentent d'éradiquer la piraterie, hein, et de contrôler le récit public sur ces personnes, mais il n'en demeure pas moins que cela a été très compliqué et que justement, durant cet âge d'or, ils se sont confrontés à de grands et vaillants marins. En ce qui concerne toujours l'histoire générale des plus fameux pirates, l'ouvrage est composé en fait de biographies de pirates, hein, organisées un petit peu comme des vies criminelles, hein, et ça fonctionne d'ailleurs toujours un petit peu pareil. On compte leur origine sociale, leur entrée dans la piraterie, leurs exploits ainsi que leurs atrocités, et éventuellement, quand on a de quoi faire, leurs procès, leurs exécutions, etc. Et l'œuvre en fait passe très rapidement dans un format où il y a un mélange mélange de faits historiques, de témoignages, de rumeurs, mais aussi, il faut le dire, d'inventions littéraires, un petit peu malgré tout. On décrit les pirates les plus fameux de l'âge d'or, qu'ils soient anglais, français, c'est souvent des anglais, mais qu'ils soient anglais, français, ou même parfois d'une autre origine, hein, puisque l'origine des peuplant les navires pirates était finalement très disparate. Hein. On avait vraiment toutes les origines sociales. Parmi ces grands pirates, on a évidemment Henri Avry, hein, qui est connu pour avoir fait l'une des plus grandes prises à l'Empire moghol, l'Empire d'Inde, à l'Empire de ce fameux empereur qui s'appelait Aurangzeb, la prise du fameux Gangis Hawaï. Et logiquement, Avry disparaît sans être jamais puni. Et il représente évidemment cette vision du pirate insaisissable qu'on a eue. On parle évidemment logiquement aussi de Barbe Noire, hein, Edward Teach, qui est connu comme théâtral et terrifiant. Quand on pense à la piraterie, en règle générale, on pense à Barbe Noire, hein, avec sa barbe tressée et ses mèches enflammées. Même si il faut reconnaître que les mèches enflammées dans la barbe ont peu douter de cette aventure-là. À la limite, s'il les mettait dans le chapeau, pourquoi pas, mais dans la barbe, c'est un peu plus compliqué, parce que ça prend vite feu, ma foi, la barbe, et croyez-en, un homme d'expérience. Et logiquement, cette image hein, de pirate qui gouverne par la peur, qui est Barbe Noire, vient essentiellement de ce livre de l'histoire générale des plus fameux pirates. On nous parle aussi de Bartholomew Roberts, que j'aime beaucoup, qui est connu aussi sous le nom de Black Bart, ou alors le Baronnet Noir, qui est un pirate qui a été très prospère, qui a évolué durant la fin, à peu de choses près de l'âge d'or, puisqu'il combat contre le Swallow de Chaloner-Ogle en 1722, et qu'il meurt le coup arraché par un canon à cette époque-là. Donc c'est un pirate qui est très prospère, très discipliné, qui a inventé ce qu'on appelle le contrat de chasse-partie. Donc l'or est réparti en fonction des prises, en fonction du statut qu'on a sur le navire. Et donc c'est l'exemple type d'un pirate qui est rationnel et organisé, qui veut que tout soit clean à bord de son navire. Les fameuses Anne Bonny et Mary Read, hein, les femmes pirates qui souvent ont été travesties, des figures exceptionnelles qui refusent les rôles sociaux féminins qu'on attribuait hélas déjà à cette époque, et ces deux pirates féminines qui fascinent logiquement les lecteurs par leur courage et leur opiniâtreté. On a William Kidd, hein, aussi, le fameux pirate qui, soi-disant, ne voulait pas en être un, mais qui en a été un quand même, et qui montre la frontière floue entre la légalité et la piraterie. Toujours est-il que l'idée est avant tout de présenter des femmes et des hommes pirates qui ont bel et bien existé, hein, dans cette histoire générale des plus fameux pirates. Et la poésie, mes chers amis, je le disais, est dans ce qu'elle a de savant de mélanger le légendaire et le réel, et c'est exactement ce que fait Johnson, Defoe, peu importe le nom que vous donnez à l'auteur. Mais n'oubliez pas, mes chers amis, de garder un œil sur l'horizon et le gaillard d'arrière. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va être temps de danser encore une fois. Alors rajustez vos tricornes, palsambleu, le musicien revient d'une visite chez le maître Coq, et tous se sentent une folle envie de danser. Alors, on y va. Just a great beer, rap, or grenades. You and me, Bonnie and the retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. You and me and the devil makes three. C'était les Banished Privateers, mes chers amis, pour cette petite pause musicale qui sied si bien à notre pastille poétique. Nous parlions donc sur Radio Fadjet de ces aventuriers de la mer qui nous fascinent. Et puisque nous évoquions ce livre fondateur qu'est l'histoire générale des plus fameux pirates, il est temps, ma foi, de continuer. Nous disions que de nombreux marins étaient cités, hein. On a cité Avry, on a cité Barbe Noire, on peut en citer d'autres, hein. Encore une fois, Owell Davis. Mais s'il y a bien un point qui est important et qui fascine en quelque sorte, hein, les lecteurs de cette œuvre, c'est comment cet enchaînement de biographies montre finalement l'organisation globale des pirates, hein, parce que logiquement l'ouvrage décrit les pirates comme radicalement différents des sociétés européennes. Il y a des capitaines qui sont élus par leurs équipages. Et clairement, on est pile dans la réalité historique, hein, car il n'était pas question de capitaine tyrannique sur les navires, et encore moins chez les pirates, parce que quand les pirates littéralement pirataient les navires, ils allaient demander aux différents équipages des navires pris si justement le capitaine avait été gentil avec eux. Si c'était le cas, bah, ma foi, la cargaison était prise et ils étaient invités l'équipage était invité à rejoindre le bateau. Et si le capitaine avait été gentil, bah, il pouvait repartir avec le peu de cargaison qui lui restait. Par contre, s'il avait été méchant, ça partait un peu mal pour lui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec un pirate qui s'appelait Edward England, qui avait piraté un navire dont le capitaine se nommait Skinner. Et sachant que les hommes s'étaient plaints de sa capitainerie, Skinner, il s'est fait vertement vilipender. Voilà. Donc, il n'est pas question de capitaine tyrannique, encore une fois. On nous parle aussi du partage du butin, hein, de la compensation pour blessures diverses, la perte d'une jambe, hein, par exemple. Et quand je vous parlais tout à l'heure du contrat de chasse-partie avec Roberts, on a aussi Henry Morgan un peu plus tôt qui le faisait. C'est clairement la sécu avant l'heure, hein, mes chers amis. Et donc, clairement, nos ambitieux politiques n'ont rien inventé, même si on doit de se souvenir ce pourquoi on s'est battu et ce sur quoi il faut continuer logiquement à se battre, c'est-à-dire le maintien de nos droits. Voilà. Donc, le contrat de chasse-partie, logiquement, nous invite à penser qu'il fallait filer droit. Le livre suggère que les pirates ont créé une contre-société, parfois plus juste que le monde civilisé. Hein. L'auteur insiste un petit peu logiquement dans le monde de la piraterie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était d'une cruauté assez manifeste, les tortures, les meurtres. Mais il y a quand même dans cette œuvre une ambiguïté qui fascine un petit peu notre société contemporaine, parce que les pirates, logiquement, sont condamnés officiellement, mais il y a une sorte de fascination qui est autour d'eux, qui a cours encore aujourd'hui, parce qu'ils sont courageux, ils sont révoltés contre l'injustice, et c'est ce pourquoi finalement les pirates aujourd'hui nous plaisent tant, hein, même s'ils sont passés par le prisme d'Hollywood. Mais le texte sur lequel on parle aujourd'hui dans notre petite pastille poétique comporte malgré tout quelques soucis, parce que les sources sont souvent invérifiables. Quelques chercheurs ont montré que certaines paroles qui ont été données par Defoe ou Johnson peuvent être contrariées par la vérité historique. D'autres sont confirmées par des procès, des archives judiciaires et autres journaux, qui permettent malgré tout de voir que tout n'est pas que mythe. Mais comment finalement s'autoriser, puisque c'est notre question, à rêver le pillage et le brigandage? C'est ça la question. Mais que diable, on m'informe que les terres sont en vue. Alors ne perdez pas de temps, ramenez les voiles, il est temps d'offrir aux matelots la douceur de ce que peut leur apporter le port. Merci de votre attention, Moussaillon. Je souhaitais vous parler de l'histoire générale des plus fameux pirates, parce que c'est une bible magnifique pour qui a soif de piraterie, pour qui a soif de liberté. Ne perdez pas le cap, hein, qui mène indéniablement à cette notion chère à notre cœur qu'on appelle la liberté et qui est si souvent battue en brèche aujourd'hui dans notre société contemporaine qui vraisemblablement lui veut du mal. Et saisissez évidemment tous les espoirs de toujours être ivre, car l'ivresse n'est pas que dans l'alcool. Parfois, elle est dans ses flots continus de magie qu'on appelle la passion. Aussi, mes chers amis, prenez bien soin de vous, faites attention et à la fois prochaine.